إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، donc on est toujours dans la série de cours de, en guise d'explication du livre de Cheikh l'Albani rahimahullah ta'ala, qui est la description de la prière du prophète alayhi salatu wassalam, explication faite par notre Cheikh Mohamed ben Omar Bezmoul hafidhahullah ta'ala. On était arrivé au chapitre plutôt qira'atuhu sallallahu alayhi wa sallam ba'd al-fatiha, c'est-à-dire que chapitre qui concerne en fait la lecture, quand on dit sa récitation, on sait très bien que Damir Yaoudou et la Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, que ici on fait référence à sa récitation, c'est-à-dire à la récitation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam après la Fatiha. D'accord ? Donc toujours dans le cadre des cours, on avait vu depuis le début de la salah, hein, et même avant qu'on avait fait les conditions, etc. D'accord ? La prière, on continue maintenant. On a vu le tekbir, on a vu le istiftah, etc. Et on continue jusqu'à ce qu'on a vu le fatiha, rukniyat al-fatiha, hein? Et on continue comme ça. Maintenant, on voit quoi? Et bien, c'est la récitation du prophète alayhi salatu wassalam après quoi? Après la fatiha. Et donc, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, et quand on dit l'auteur, on fait référence à Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Il dit qira'atuhu sallallahu alayhi wasallam ba'd al-fatiha. Sa récitation après la Fatiha. ثم كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه جوز ذات يوم في الفجر عليه الصلاة والسلام. يعني جوز، c'est-à-dire que qui c'est, on va voir qu'est-ce que ça veut dire après. C'est que le prophète صلى الله عليه وسلم un jour il a raccourci. Donc il dit ici جوز عليه الصلاة والسلام ذات يوم في الفجر وفي حديث آخر صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن فقيل يا رسول الله لما جوزت؟ قال سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي فأردت أن أفرغ له أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وكان يقول إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وكان يبتدئ عليه الصلاة والسلام من أول السورة ويكملها في أغلب أحواله ويقول أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، وفي لفظ لكل سورة ركعة. وكان عليه الصلاة والسلام تارة يقسمها في ركعتين وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية، وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر. وقد كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، في مسجد في الشيخ قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. Donc, Cheikh l'Albani, rahimahullah, il rapporte un chapitre, comme on a dit, sous le titre « Sa récitation après la Fatiha ». Ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, récitait après la Fatiha une autre sourate. Cette récitation était parfois longue et d'autres fois courte. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Hein? Si, inshallah, s'il était en voyage, malade ou pour une toux, hein, ou le pleur d'un enfant. Donc je répète la phrase ici. Cette récitation était parfois longue et d'autres fois courte. S'il était en voyage, malade ou pour une toux, ou le pleur d'un enfant. Comme Anas ibn Malik, radiallahu anhu wa ardah, il a dit, un jour le prophète, alayhi salatu wassalam, a écourté la prière du Fajr. Dans un autre hadith, il priait le Subh et récita les deux sourates les plus courtes du Coran. On lui demanda alors, ô messager d'Allah, pourquoi as-tu raccourci la prière? Il répondit, alayhi salatu wassalam, j'ai entendu les pleurs d'un enfant, j'ai pensé que sa mère était en train de prier avec nous et j'ai voulu libérer sa mère pour qu'elle s'occupe de lui. Il disait aussi, alayhi salatu wassalam, je commence la prière en voulant la prolonger, mais dès que j'entends les pleurs d'un enfant, je l'écourte car je sais que la mère doit, avec beaucoup de chagrin, hein, doit avoir beaucoup de chagrin pour son enfant qui pleure. Il commençait, alayhi salatu wassalam, à lire à partir du début de la sourate. Vous voyez qu'on part déjà à un autre hukm ici. Hein? Il commençait à lire, on va voir ça après, Inch'Allah. Il commençait à lire à partir du début de la sourate et en général, il la lisait en entier. Alayhi salatu wassalam. Il disait, alayhi salatu wassalam, accordez à chaque sourate sa pleine part d'inclinaison et de prosternation. Dans une autre version, pour chaque sourate, il y a une raka'a. Li kulli suratin raka'atun. Parfois, il récitait la sourate sur deux raka'a et parfois, il la répétait en entier lors de la seconde raka'a. Comme on va le voir après, Inch'Allah, que le prophète Hassan, il a prié avec Surat al-Maghrib, avec Surat al-A'raf, il a divisé en deux. Surat al-A'raf, c'est 206 versets. Hein. Parfois, il récitait la sourate sur deux raka'a et parfois, il la répétait en entier lors de la seconde raka'a. On va voir ce que ça veut dire ça aussi, Inch'Allah. En d'autres occasions, il récitait, alayhi salatu wassalam, dans la même raka'a, deux sourates ou plus. Un homme parmi les Ansar, il dirigeait la prière à la mosquée de Quba. Quba, elle est où? Elle est près de quoi? Hein? De Médina. Chaque fois qu'il récitait une sourate dans la prière, il commençait par réciter la sourate Al-Ikhlas. Là, de quoi on parle? D'après sourate Al-Fatiha. Qu'est-ce qu'il faisait? Il lisait, avant de lire quoi que ce soit, il lisait d'abord sourate Al-Ikhlas. C'est-à-dire, hein, la traduction du sens dit il est Allah unique. Qul huwa Allahu ahad. Il la lisait entière. Ensuite, il récitait une autre sourate. Il procédait de la sorte à chaque raka. Ses compagnons lui dirent, tu commences toujours par cette sourate. Puis tu trouves qu'elle ne suffit pas, alors tu récites une autre sourate avec. Donc, soit tu te contentes de réciter celle-là, soit tu la laisses et tu en récites une autre. Il leur répondit alors, je ne la délaisserai pas. Si vous voulez que je dirige la prière de cette façon, je le ferai. Mais si vous n'aimez pas ce que je fais, je vous quitterai. Or, ils le considéraient comme le meilleur d'entre eux. Regardez les sahabas, comment ils étaient entre eux, radiallahu anhu mardahum. Et ils ne voulaient pas que quelqu'un d'autre le remplace dans sa fonction d'imam. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vint les voir, ils l'informèrent de la situation. Et on va voir, on va sortir un peu du cours, on va aller un peu voir dans les fawaïd shir al-Ithyoub et Sahih Muslim. On va voir, hein, que certains frères des fois, hein, quand on rapporte par exemple à un autre frère quelque chose qu'un certain frère a fait, il disait, ah, c'est riba. On va voir, shir al-Ithyoub, il va dire que Là, dans ce hadith-là, il y a une preuve justement de l'autorisation de citer un nom à quelqu'un pour se plaindre de lui, hein, ou pour demander la fatwa, par exemple. Et pour les frères qui lisent un peu l'arabe, vous pouvez revenir à Riyad Salihin. L'imam Nawawi rahimahullah, il a fait un bab, comment il s'appelle le bab? Bab ma yajouzou min al-ghiba. Il a cité six cas, il a décidé les différents ahkam, etc. À la koulihal, ce n'est pas le sujet du cours aujourd'hui. Mais regardez parmi les fawaïd du hadith, et on va les citer, inshallah. Hein, on va en citer 10, inshallah, fawaïd du hadith, que Cheikh l'Éthiopie l'a cité. Donc ils disent, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va les voir, ils l'informèrent de la situation. Il dit, alors, ô un tel, qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que t'ordonnent tes compagnons? De plus, qu'est-ce qui t'incite à réciter cette sourate à chaque raka'a? Il répondit, regardez le sahaba encore, je l'aime, j'aime cette sourate. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, ton amour pour cette sourate te fera entrer au paradis. Ben, maintenant on a l'explication de Cheikh Bizmoul, hafidhahullah ta'ala. Il dit, il y a dans ce chapitre des points et ce sont les suivants. Il va rapporter les différents points. المسألة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة سورة وقد ثبت في حديث مسيء الصلاة أنه صلى الله عليه وسلم قال له استقبل القبلة ثم كبر ثم احمد الله ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر وقد ثبت في سنن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بالفاتحة وسور في الركعتين الأوليين ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. Donc qu'est-ce qu'on prend directement de ce chapitre qui concerne encore une fois, c'est important de regarder le titre en tête, hein? Sa récitation à l'Essat Hussam après quoi? La Fatiha. Donc chaque point, il revient à ça ici. Tout le titre de la leçon, hein, il revient à ça ici. D'accord? Pour les frères qui sont profs ici, il y en a plusieurs. Hein, quand, ici en Angleterre, quand ils appellent ça quoi? Learning objective. Au début d'une leçon. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le but de la leçon, qu'est-ce qu'on va apprendre? Eh bien, c'est ça. Ça, récitation alayhi salatu wassalam, hein, après la Fatiha. Donc, chaque point qu'on va voir des cinq points ici, eh bien, il fait référence à quoi? À cet objectif-là ici qu'on est en train d'apprendre ici, cet objectif d'apprentissage. D'accord? Et il dit donc, Cheikh Bazmoul Hafidhahullah, le premier point. Parmi les cinq points qu'il va citer, inshallah, eh bien, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lisait une autre sourate après le Fatiha. Et il a été rapporté dans le hadith de celui qui faisait mal sa prière. Hein, pour les frères qui ont le livre de Cheikh Bazmoul ici, il y a plusieurs riwayats de ce hadith au tout début dans la Muqaddimah. Vous avez dit que c'est un hadith de référence chez les ulama. Pourquoi? Ben, on avait dit pourquoi, c'est que quoi que la personne a mal fait sa prière, ben, le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a corrigé, donc il lui a enseigné comment prier correctement. Hein? D'accord? C'est pour ça que les ulama, ils font souvent référence à ce hadith-là ici. Il dit donc, à tel point, regardez qu'il est connu, il a dit dans le hadith de celui qui faisait mal sa prière, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, oriente-toi vers la Qibla, puis dis Allahu Akbar, puis fais les louanges d'Allah, puis récite l'ouverture du livre, c'est-à-dire Al-Fatiha, et wa ma tayassar, et ce que tu peux. D'accord? Il était rapporté dans les sunan que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lisait, ou plutôt dans les sunan du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il lisait la Fatiha et des sourates dans les deux premières unités de prière. Raka'a. Et récitait dans les deux dernières quoi? Al-Fatiha. On avait déjà parlé de ça ou pas? D'accord? Donc c'est fini pour le premier point ici. On passe directement au deuxième. Mais le deuxième point, il est un peu plus long. Il dit, Cheikh, on va le couper en plusieurs, inshallah, en plusieurs morceaux. المسألة الثانية كان عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة أحيانا في الصلاة وإطالة القراءة في الصلاة من أفضل ما يكون في الصلاة. On va voir ici que c'est pour ça encore une fois l'importance de ce genre de cours et c'est pour ça l'importance du fiqh, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait, hein, de savoir comment faire les choses correctement. Ne t'es pas rentré dans des choses illicite dans des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire. Hein? Vous allez comprendre pourquoi je dis ça après, inshallah. Il dit: وقد ثبت فيما أخرج مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب أفضل الصلاة طول القنوت عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. ومعنى طول القنوت ومعنى طول القنوت يعني طول القراءة بمعنى قيام القراءة قيام القراءة قراءة يقرأ القرآن. On va déjà traduire ce petit morceau là. Il dit donc deuxième point tiré de ce chapitre qui a pour titre, comme je l'ai dit, sa récitation alayhi salatu wassalam après sourate al-Fatiha. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam allongeait parfois sa récitation dans la prière. Et le fait d'allonger la récitation dans la prière est ce qu'il y a de mieux dans la prière. On va voir qu'il y a un tafsil à ce niveau-là, inshallah. Il a été rapporté de manière authentique, eh bien dans le Sahih de Sahih Muslim, dans l'imam muslim, l'authentique de l'imam muslim, livre de la prière des voyageurs et son raccourcissement, chapitre, la meilleure prière, c'est d'allonger Al-Qunut. Hadith numéro 756. Et bien d'après Jabir radiallahu anhu qu'il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure des prières, c'est d'allonger le qunut. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant ça? Et bien le sens d'allonger le qunut, c'est d'allonger la récitation avec le sens de se tenir debout en récitant le Coran. Le cheikh dit quoi? Il dit que وهذا الحديث يفيد أنه أفضل موضع في الصلاة ولذلك ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة. وهنا يأتي سؤال أو هنا يأتي السؤال كما الذي الشيخ هل معنى هذا أنه يسن للإمام إذا أما الناس أن يطيل القراءة؟ C'est une question qu'on doit se poser, c'est pour ça que je dis qu'il y a un tafsil. Maintenant, on sait que quoi que réciter longuement, c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est une sunna pour l'imam de quoi? De réciter longuement quand il guide la prière? On va traduire ce petit morceau-là. Il dit ce hadith indique que c'est le meilleur endroit dans la prière. Et c'est pour cela qu'il a été rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'allongeait. Il allongeait la lecture. Il y a maintenant une question qui se pose. Cela veut-il dire que c'est une sunna pour l'imam d'allonger la récitation s'il guide les gens dans la prière? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites, vous? C'est une sunna? Si celui qui dit non, il va s'attendre à une autre question, ça c'est clair, oui aussi. Dites juste la réponse, qu'est-ce que... Garde ce que tu as dit en tête et tu vas voir qu'il y a plus de détails par rapport à ça. Parce que dans ce cas-là, il va raccourcir plus que ce qui raccourcit d'habitude l'imam. Enfin, comprendre après. Mais c'est juste ce que tu as dit. Non, tu vas voir que c'est dans la récitation, mais tu vas voir après, Inch'Allah. Retiens ce que tu as dit. J'en ai déjà cité un là. On va voir, Inch'Allah. Mouad, Afetan ou Nataï Mouad. C'est un hadith là? Vas-y. On va voir la réponse, Inch'Allah. Il dit, Cheikh Bazoum, Hafidahullah, Al-Jawab. Vous allez voir, subhanallah, regardez la sunna, comment elle est, subhanallah. Elle est, il y a la douceur et la bienveillance envers les gens. Comme on va voir dans le Cheikh YouTube, il va dire, Samahat al-Sharia al-Islamiyya. Cheikh, il a dit, Al-Jawab, Aqulu, thabata anil Rasul sallallahu alayhi wa sallam, annahu hatha al-imam. أن يراعي على أن يراعي حال المأمومين فلا يطيل عليهم وأن يقرأ عليهم بأوساط السور من المفصل يقرأ عليهم بمقدار سورة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية ونحوهما من السور هذا في الصلاة العامة. قال العلماء ويحمل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة على أنه علم أن الصحابة الذين كانوا يصلون معه يرضون بذلك ولا يتضررون به ولا يشق عليهم أو أنه كان يصليها أحيانا لا دائما. أما من يصلي بالناس فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الأئمة إذا صلوا بالناس أن لا يطيل عليهم القراءة، فإن خلفه الشيخ الهرم والمريض والمريض وصاحب الشغل ونحوهم مما لا يستطيع ولا يحضر قلبه في جميع الصلاة إذا أطلها الإمام. فعلى الإمام أن يترفق بالناس وأن لا يطيل عليهم الصلاة. Et puis il rapporte certains adilas par rapport à ça. Je vais traduire ça, Inch'Allah. Il dit donc la réponse, et je répète la question, c'est quoi la question? Il a dit, cher, il y a maintenant une question qui se pose. Cela veut-il dire que c'est une sunna pour l'imam d'allonger la récitation s'il guide les gens dans la prière? Vous allez encore une fois voir donc quoi que l'importance de ce qu'on appelle entre jam' al-nusus, bayna al-nusus shar'iyya. Vous voyez comme quoi il faut revenir aux ulama dans le masa'il. Hein? D'où le danger de prendre un hadith à part, de le comprendre comme ça, dans sa généralité. Il dit quoi? La réponse, je dis, c'est-à-dire Cheikh Bazmoul, qu'il a été rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a incité l'imam à prendre en considération la situation, l'état des gens qui prient derrière lui, et donc de ne pas réciter trop longtemps, mais de réciter plutôt des sourates de taille moyenne parmi les sourates du Mufassal. Pour le Mufassal, Cheikh Abdelaziz Ali Cheikh, le Mufti, il dit que le Qurrajah pour le Mufassal, c'est que c'est des Qaf, jusqu'à Nas. Il dit, il récite une sourate de la taille de Sabbih isma rabbika al-a'la, par exemple, et Al-Ghashiyah, et des sourates identiques. Cheikh, il dit, regardez, ceci concerne quoi la prière en général? Les savants ont dit, on comprend ce qui a été rapporté, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam allongeait la récitation, que c'est parce qu'il savait que c'était les compagnons qui priaient derrière lui. Hein? Et que les compagnons acceptaient cela. Et ça ne leur faisait aucun mal, et ce ne leur était pas difficile, radiallahu anhum wa ardahum. Car ils priaient de cette manière de temps en temps, pas tout le temps. Tandis que celui qui guide les gens dans la prière, eh bien le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux imams, lorsqu'ils guident les gens dans la prière, de ne pas allonger la récitation pour les gens. Car derrière lui, il y a quoi? Eh bien il y a la personne âgée, il y a le malade et celui qui est occupé. Et d'autres qui ne sont pas capables afin d'allonger la prière, et qui ne peuvent pas être concentrés dans toute la prière si l'imam l'allonge. Cheikh, il dit donc ici, l'imam se doit donc de traiter les gens avec douceur et de ne pas rendre la prière trop longue. Et puis il rapporte un dalil vis-à-vis de ce qu'il dit, Cheikh. Il dit, أخرج البخاري في كتاب العلم باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره إبيدي حديث نميرو 90 ومسلم في كتاب الصلاة باب أمر الأئمة وباب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام نميرو 66 عن أبي مسعود الأنصاري قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. Pour les frères qui comprennent l'arabe, directement une question qui doit se poser ici. Regardez là, je vous aide un peu ici. قال الرجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. Comment est-ce qu'on va comprendre ça? J'arrive presque pas à arriver à la prière tellement qu'un tel, il l'allonge. Comment tu vas comprendre ça? Cheikh l'Éthiopie va donner la réponse, Inch'Allah. Il dit, « Fi mu'aidatin ashad ghadaban min yawma'id, faqala ayyuhan nas, innakum munaffiruna. » Dans le riwayat Sahih Muslim aussi, « Inna minkum munaffirun. » Ou munaffirin. « Faman salla bin nasi, fal yukhaffif, fa inna fihim al-marida, wa al-da'ifa, wa dhal-haja. » Donc on va déjà traduire ce premier hadith ici. Il se dit que c'est un hadith qui était rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Il l'a rapporté dans son authentique livre de la science, chapitre de la colère dans le rappel et l'enseignement lorsqu'il voit ce qu'il déteste. Hein? Et vous voyez des fois, subhanallah, que nous on a un problème vis-à-vis cette fois avec, vis-à-vis de certains enseignants, certains professeurs. C'est que quoi? C'est que notre nefs, hein, elle n'accepte pas des fois que le professeur il se fâche. Hein? Alors que regardez, c'est une sunna. Comme Cheikh l'Éthiopie va le prendre parmi les fruits du hadith, c'est que c'est une sunna et que c'est autorisé. Vous voyez le titre, il est clair du chapitre. Hein? chapitre de la colère dans le rappel, al-mu'idha, et l'enseignement lorsqu'il voit ce qu'il déteste. À tel point que certains frères et certaines sœurs, lors dans un cours, un enseignement, si le professeur il est un peu, hein, il montre sa colère parce qu'il n'a pas fait son devoir, ou il est, hein, il n'est pas venu à l'heure, ou il n'est pas assuré, etc. Mais la personne tout simplement va abandonner. Combien de fois c'est pas arrivé ça, hein? Alors que c'est pour le bien de la personne. Et voyez, regardez, c'est le titre, c'est un titre dans Sahih al-Bukhari, il est clair. Et le hadith il est clair aussi, comme on va le voir, inshallah. Hein? D'accord? Mais tout simplement, il faut se mettre son œuf de côté, il faut accepter. C'est tout. Hadith numéro 90. Et Muslim, livre de la prière, chapitre de l'ordre aux imams d'alléger la prière, fitamam. Alors, je ne vous cacherai pas que je n'ai pas trouvé fitamam exactement pour traduire le titre comme il est. Hadith numéro 466. Donc, il dit d'après Abu Mas'ud al-Ansari, radiallahu anhu, qui a dit, un homme dit, ô messager d'Allah, la akad udriku salata mimma yutawwilu bina fulanun. Alors, comme on a dit, qu'est-ce qu'on va comprendre ça? Si je vais traduire ça de manière littérale, vous allez mieux comprendre. D'accord? Eh bien, si on traduit cela de manière littérale, ça donne, je n'arrive presque pas à la prière, tellement un tel l'allonge. Ça ne vous pose pas une question, ça? Comment? Hein? Ça ne vous pose pas un problème? Hein? Mais tu vas voir qu'il n'y a pas de problème. Non, mais je te comprends. Zahiruhu, comme il a dit le Qadi Iyad, il a dit Zahiruhu. Eh bien, Al-Qadi Iyad, justement, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, il y a un problème dans son sens apparent. Car l'allongement de la prière indique la possibilité d'arriver à la prière, pas le contraire. Hein? Alors, comment est-ce qu'on comprend? Le cheikh l'Éthiopie, dans son explication de Sahih Muslim, il dit que l'avis le plus fort parmi ceux qu'il a rapporté lui-même dans Sahih Muslim, il dit, c'est qu'au lieu de « odriko », c'est « atroko ». Hein? C'est-à-dire que le compagnon pouvait délaisser la prière en congrégation, en jama'a, tellement l'imam allongeait la prière. Fin de citation. Et on va voir que parmi les faits de ce hadith-là, comme le cheikh l'Éthiopie, c'est un dalil pour l'autorisation de délaisser salat jama'a si c'est l'habitude de l'imam d'allonger à tel point que c'est trop pour les gens. Ça, c'est pas dans le livre, hein. Cheikh, il a dit comme ça, regarde. Il a dit qu'au lieu de odriko, yani c'est atroko. Ok, pas de problème. C'est-à-dire que, mais je ne l'ai pas écrit en arabe ici. Hein? Donc je l'ai dit en français. C'est-à-dire qu'en fait, Cheikh l'Éthiopie, quand tu regardes dans Sahih Muslim, il n'a pas rapporté une phrase avec atroko. Mais tu veux que je lui dise le hadith avec atroko, par exemple? Ah, ok. Bien. قال رجل يا رسول الله لا اكاد اترك الصلاه مما يطول بنا فلان et puis le hadith. Vous suivez maintenant? D'accord? C'est juste par rapport au mot odriku atruku. Akadu ou atruku. D'accord? Il a rapporté plusieurs avis, puis il a rapporté aussi que la akadu odriku. Il a rapporté quel alif après l'âme. Il a rapporté plusieurs avis. Moi, j'ai fait Ertisar, c'est quoi ici? Il a rapporté le Hafid ibn Hajar, il a rapporté le Qadi Iyad, il a rapporté beaucoup d'ulama. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'Arjah Hindi. Pour ceux qui connaissent un peu la tariqa de Cheikh l'Éthiopie, il rapporte le hadith. Il fait une tarjama de Rijal. Rapporteur de ceux qui sont dans le Sanad. D'accord? Puis, il rapporte, Annie, sur le hadith en tant que tel. Eh bien, est-ce que, par exemple, est-ce que. C'est parmi le Khumasiyya de Moussanif, par exemple, Sarah Sahamou, de Sunan Nasa'i, est-ce que c'est parti de. Il reparle un peu au niveau du hadith. Et puis, il rapporte quoi? Eh bien, l'explication du hadith, c'est-à-dire quoi? Ma'ana al-hadith, et puis, partie par partie, il explique. D'accord? Et puis, dans cette partie-là, il a rapporté quoi? Différents avis. Premièrement, il commence par le Qadi Iyad. Et la parole du Qadi Iyad, elle illustre bien qu'est-ce qu'il a dit très justement, Jumu'a. Il a dit quoi, le Qadi Iyad? En arabe, si je me souviens bien, j'ai lu tout à l'heure, il a dit وَظَاهِرُهُ فِيهِ مُشْكِلِ. Il a dit quoi? C'est-à-dire que, voilà, son sens apparent, il y a un problème. Alors, c'est bien que c'est un hadith Sahih Muslim, il n'y a pas de problème. Hein? D'accord? Car l'allongement dans la prière, comme il dit sur le Qadi Iyad, indique la possibilité d'arriver à la prière, pas le contraire. Vous comprenez maintenant? D'accord? C'est pour ça que Cheikh l'Éthiopie, il rapporte plusieurs avis, il vous dit قال الجامع عفى الله عنه. Et c'est toujours comme ça que Charles d'Éthiopie parle. Il dit quoi? Il dit « jamais », c'est-à-dire celui qui a fait le regroupement de toutes ses paroles, c'est lui-même, il parle de lui-même en fait. Il dit « قال الجامع عفى الله عنه » et puis il dit « والأول عندي والأرجح عندي الأول ». C'est-à-dire quoi? Cet avis-là. D'accord? Je vais donner la référence après pour les frères qui veulent aller voir Inch'Allah en arabe. C'est très intéressant. C'est un peu long, mais c'est très intéressant. De quoi ça veut dire, toi? Dans le sens, toi, tu veux dire que, par exemple, que je n'ai de cesse, plutôt que je n'arrive pas. Hein? Nafia, mais moi, je comprends ce qu'il veut dire, lui, par rapport à la akado. Tu vois, franchement, je me suis posé la même question que lui. Moi, j'ai traduit ce qu'il a dit sur YouTube, au classe. Hein? D'accord? Alors, j'ai donné la référence, ceux qui veulent aller voir plus en détail, ils peuvent aller voir, Inch'Allah. Je me suis posé la même question que lui. Lui, il ne parle pas par rapport au la en tant que tel. Il parle par la akad ou udriko. Je te répète encore une fois. قال رجل يا رسول الله لا اكاد ادرك الصلاه مما يطول بنا فلان. على كل حال فتح الباري لله اليوم نووي لصالح صحيح مسلم لله شرح شيخ الاثيوبي شيخ صحيح مسلم لله. En fait, nous, ce qu'on doit retenir ici, de cette histoire ici, c'est que quoi? Eh bien, c'est que il y a un homme qui a dit au messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam que quelqu'un, quoi? Allongeait la prière. C'est ça qu'il faut retenir. D'accord? Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait quoi? Il était en colère. Et puis, on va voir la fin du hadith, inshallah. D'accord? J'ai la référence, je te redonne la référence? C'est bon? Comment vous traduirez-vous la akadu udriku salah mimma yutawilu bina fulan, comme il est là dans le livre? Comment vous traduirez la akadu udriku salata? Par exemple, tu traduirais par mais tu vois leur l'ishkal, oui. Mais tu vois leur où il est l'ishkal. Tu vois, il y a quelque chose dans quand tu lis le hadith dans son sens apparent, il y a quelque chose qui. Tu vois? Tu comprends, vous comprenez un peu l'ishkal où il est au niveau l'oraoui ici? Oui ou pas? Non, pour les frères, si vous dites non, vous dites non, c'est tout. De toute façon, ce qui est important pour nous, c'est quoi? Peut-être que pour les frères qui sont un peu plus arabophones, ils vont plus cerner le. Hein? L'ishkal où il est. Mais alhamdoulilah, au niveau charaï, il n'y a pas d'ishkal, alhamdoulilah, on a expliqué pourquoi. D'accord? D'accord? On continue, inshallah. C'est-à-dire, donc, et puis il continue le hadith. Je n'ai pas vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'énerver lors d'un rappel plus qu'il ne l'a fait ce jour-là. Et il dit, ô gens, vous êtes munafiroun. C'est-à-dire, comme l'a dit Cheikh l'Éthiopie, qu'Allah le préserve, que vous divisez les gens et vous les éloignez de la prière en congrégation, en jama'a. Tu vois? D'accord? Et ça va un peu aussi dans le sens de ce qu'on a dit par rapport à Atroku. Hein? Ça n'a pas l'air convaincu, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que. Et il dit, celui qui guide la prière, qu'il l'allège, car parmi les gens, il y a le malade et le faible, celui qui a un besoin. Et celui qui a un besoin. Alors maintenant, on sort du livre, comme j'ai dit. Et Cheikh l'Éthiopie a rapporté certains bénéfices tirés de ce hadith dans l'explication de Sahih Muslim, Al-Bahr al-Muhit, Al-Thajjaj, fi Sharh Sahih al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj, volume 11, page 36-37. Donc retenez l'explication de Sahih Muslim, page de Cheikh l'Éthiopie, volume 11, page 36-37, pour les frères qui veulent aller plus voir en détail. D'accord? Subhanallah, j'ai failli l'amener avec moi. Je me suis dit, je ne vais pas faire trop long. Qadar Allah, j'aurais dû. Première faïda, il y a dans ce hadith la mise en évidence de l'ordre donné aux imams d'alléger la prière afin de ne pas nuire aux gens qui prient derrière eux. Mais à condition de ne pas délaisser les sunnans de la prière, ni ses étiquettes, ni ses buts, le maqasid, comme il a dit Cheikh l'Éthiopie, ni maqasidaha. Si le fait d'alléger implique une diminution dans un de ces points, comme le font certains ignorants, qui se leurrent quant au sens apparent du hadith, qu'il allège la prière, et donc joue avec la prière, ceci fait partie des ruses de Satan et de la mainmise de leur ignorance sur la sunna, ainsi que de la prédominance de leur désir. Et Cheikh dit, c'est à Allah que nous appartenons, c'est à lui que nous retournerons. Donc qu'est-ce qu'il faut prendre de ce premier point ici? Il dit quoi? Bien qu'il faut alléger la prière, mais sans quoi? Sans arriver au degré de délaisser, eh bien, les sunnahs de la prière, ces étiquettes, l'adab, comme l'a dit Cheikh al-Maqal, c'est de la prière. D'accord? Deuxième faïda tirée de ce hadith, la mise en évidence de la douceur et de la bienveillance de la législation islamique, samahat al-sharia al-islamia, et de la facilité de la religion, dans le sens où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux imams d'alléger la prière, qui est le plus important des piliers de l'islam après les deux attestations de foi. Afin que quoi? Que les faibles comme le malade, le petit et la personne âgée et celui qui a un besoin n'éprouvent pas de difficultés. D'accord? Troisième bénéfice tiré de ce hadith, l'imam Nawawi rahimahullah, il a dit, il y a dans ce hadith une preuve d'être doux envers ceux qui prient derrière l'imam, ainsi que tous ceux qui suivent, et de prendre en considération leur bien, et de ne pas faire ce qui leur ferait éprouver la difficulté, et si même si un petit peu, même si c'est un petit peu de difficulté, mais s'il n'y a pas de daroura, comme le dit l'Éthiopien, c'est-à-dire quoi, s'il n'y a pas, sans aucune nécessité. C'est l'imam Nawawi même qui a dit ça. D'accord? Fin de citation. Quatrième bénéfice tiré de ce hadith, la permission de ne pas assister à la prière en jama'a, en groupe, si on sait que l'imam a l'habitude de trop allonger la prière. D'accord? Et attention ici, il faut comprendre que c'est au point de quoi? De rentrer dans la difficulté, dans le haraj. Cinquième point, l'autorisation de citer une personne par son nom pour se plaindre de lui ou demander une fatwa. Demander une fatwa. D'accord? Sixième point, l'autorisation d'être en colère pour les choses qui sont reprochables dans la religion et d'être en colère lors d'un rappel. Septième point, il y a de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé en état de colère. Ça, c'est très intéressant, je trouvais. C'est pour ça que j'ai voulu vous le rapporter. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en colère ou pas? Il a jugé pourtant. Or, il y a un hadith directement que vous devez vous arriver en tête, c'est que quoi que. Non, c'est que. لا يقضين أحدكم بين اثنين وهو غضبان. يعني que l'un d'entre vous ne juge pas entre deux personnes alors qu'il est en état de colère. Comment on va comprendre ça maintenant alors? Mais la réponse elle est claire. Il y a de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé en état de colère et que ceci n'entre pas en contradiction avec la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que l'un d'entre vous ne juge pas entre deux personnes alors qu'il est en colère. Et ce hadith est rapporté par le Bukhari et le Muslim. C'est donc un hadith muttafaqun alayh. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est infaillible et ma'soum. Il ne fait pas d'erreur dans la religion. Et donc rien qui soit contraire à la religion ne peut venir de lui, même en état de colère. À la différence de toute autre personne que lui, de toute autre personne que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. En résumé, si vous voulez, comme l'a dit Cheikh l'Éthiopie, le fait de juger en état de colère est spécifique au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Huitième point, l'autorisation de reprocher, blâmer celui qui a commis ce qui est interdit. Et ce même, si ce qui est interdit est quoi? Est makruh, détestable. Si en français, c'est pas makruh, on avait expliqué dans des cours comme makruh, on va laisser en arabe makruh. Il n'arrive pas au degré de muharram. On peut traduire ça par illicite si vous voulez, mais laissez ça en. Parce que ces mots-là, ils ont un terme, ils ont une définition, ils ont un sens, je veux dire. On les a déjà définis, d'accord? Cheikh l'Éthiopie, il fait un commentaire sur ce point et il dit, c'est ce qu'ils ont dit. Je répète ce point-là ou pas? L'autorisation de reprocher, blâmer ce qui a celui qui a commis ce qui est interdit, et même si c'est que degré du makruh, on ne peut pas dire degré de muharram. Sur le tupi, c'est ce qu'ils ont dit. Il dit, si c'est muharram. Et il va voir, il va expliquer pourquoi. Mais le fait qu'il considère comme juste détestable makruh est à revoir. Car cela fait partie des choses illicites, muharram. Si cela nuit aux gens qui prient derrière l'imam, ou à une partie d'entre eux, et comment cela ne serait pas illicite, muharram, alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis en colère. Très en colère, il dit, cher ici. Radaman shadidan. Et le compagnon a dit au sujet de cette colère du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne l'avait jamais vu auparavant. Et il a dit que celui qui guide la prière d'entre vous l'allège. C'est-à-dire quoi? Il la fasse courte. Et c'est un ordre du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et cet ordre du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a valeur d'obligation. Il n'y a rien ici qu'il fasse passer ou si vous basculez cette obligation au cours de règle. Moustahab, vous avez expliqué cette règle-là. Que quand il y a un ordre, un impératif, c'est quoi? Sa valeur de wujub, al-amr iqtadi al-wujub, illa lisarifin. Hein? Yasrifu illa l'istihbab. C'est-à-dire que quoi qu'il y a un ordre, bien, c'est l'obligation, sauf s'il y a une preuve qu'il le fait passer à quoi? Au mustahab, parce qu'il est préférable. Et le contraire aussi est correct. Il va le dire ici aussi, comme al-nahi yaqtadi al-tahrim, comme l'interdiction, elle implique quoi? Que c'est quelque chose de haram, d'interdit. Illa li sarifin yasrifuhu illa ila al-karaha. D'accord? Hein, c'est une règle dans l'usul. Neuvième point, tiré de ce hadith. L'avis le plus fort est l'ordre d'alléger la prière, hein, et que l'ordre d'alléger la prière, vous revenez au hadith, falyukhaffif. C'est pas un impératif ça, c'est pas un fi'l amr. Falyukhaffif. Hein? Eh bien quoi, ça a valeur d'obligation, c'est ça l'avis le plus fort. Dixième point, la législation de blâmer quelqu'un qui allonge la prière, si celui qui est derrière l'imam n'est pas satisfait de cela, et l'autorisation de le blâmer en parole. Dixième point. La législation, c'est-à-dire que le fait que c'est légiféré, de blâmer quelqu'un qui allonge la prière, c'est celui qui est derrière l'imam, et bien quoi, il n'est pas satisfait de cela, et l'autorisation de blâmer en parole. D'accord? Puis Cheikh Bazmoul, il a rapporté un autre hadith, qui est rapporté dans le Bukhari ou un musulman, qui va dans ce sens. On passe directement au troisième point. Inch'Allah. المسألة الثالثة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة إذا عرض عارض من بكاء الصبي أو من سعال أو من نحو ذلك فتخفيف الصلاة لعارض يعرض لا يخالف السنة بل هذا من السنة فعلى الإمام أن يراعي حال الناس فإذا كان يعلم أن الناس في شغل أو هناك طرأ فعليه أن يخفف الصلاة زيادة عما كان يخففها. Regardez ce qu'il va dire ici le Cheikh. Il dit, troisième point, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam allégeait la prière lorsqu'un enfant pleurait ou une toux, hein, le fait de tousser, d'accord, ou quelque chose de similaire. Alléger la prière pour quelque chose qui arrive, hein, pendant cette prière, eh bien, ce n'est pas contraire à la sunna, mais de plus, cela fait partie de la sunna. L'imam se doit donc de prendre en considération l'état des gens. S'il sait que les gens sont occupés ou que quelque chose arrive dans la prière, il doit alléger la prière plus que ce qu'il ne l'allège d'habitude. D'accord? Tu vois, pardon? Très bonne question, je me suis posé la même et je n'ai pas trouvé la réponse. Hein? En tout cas, je n'ai pas eu le temps de trouver la réponse. Et c'est pour ça que j'ai laissé comme ça. D'accord? Mais il y a quelque chose peut-être après qui va te donner une indication. Parce qu'il va rapporter un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait, surat al-mu'minun. D'accord? Et puis il a lu des débuts jusqu'à thumma arsala Musa wa akhahu Haruna bi ayatina wa sultani mubin, verset 45. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il était pris par une toux. Donc moi, quand je ne peux pas dire si c'est la toux, je laisse comme il l'a dit le cheikh. D'accord ? Je ne peux pas dire si c'est la toux du... Donc ici, on continue. On est arrivé où ? On a dit quoi ? Voilà, donc... Il dit quoi ? Que l'imam se doit donc de prendre en considération l'état des gens s'il sait que les gens sont occupés ou que quelque chose arrive dans la prière. Il doit alléger la prière plus que ce qu'il ne l'allège déjà d'habitude. Car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, lorsqu'il a entendu les pleurs d'un petit enfant, eh bien, il récita les deux plus petites sourates du Coran. Ceci est une preuve que la sunna est que l'imam lise les sourates les plus courtes et raccourcisse la récitation dans la prière s'il sait que les gens sont occupés ou quelque chose arrive. Et qu'il ne convient pas à ce moment-là de réciter comme d'habitude. Il allonge donc plus que ce qu'il a l'habitude de faire. Tu vois, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Donc la sunna, c'est quand tu es avec les gens, c'est pas allonger trop pour que tu rendes difficile. Maintenant, c'est quelque chose qui arrive, eh bien tu allonges encore plus. Tu raccourcis, pardon, encore plus. D'accord ? Tu rends encore plus facile pour les gens. Parce que quelque chose qui arrive à un enfant qui pleure, mais tu raccourcis ta prière. D'accord ? Et ce, en guise de prise en prise en considération de la situation des gens et de leur occupation. Et vous voyez que donc faire l'imam, ce n'est pas toujours évident. Il faut un peu de fiqh. Hein? Ce n'est pas juste Hafid al-Qur'an ou Hamil Kitab Allah Azza wa Jalla. Il faut un peu de fiqh. Il faut savoir comment se comporter dans différentes situations. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, je ne suis... Cher, on va le dire d'abord en arabe. Il dit quoi ? Il dit... فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع ذات مرة بكاء صبي صغير قرأ بأقصى سورتين في القرآن فهذا دليل على أنه من السنة أن الإمام يقرأ بأقصر السور ويخفف القراءة في الصلاة إذا علم أن الناس في شغل أو علم أن هناك أمرا طارئا لا يحصل معه أن يقرأ بالقراءة المعتادة سكيل على بيتي الدليغ فيخفف زيادة عما كان يخفف شو كلا سيكلير مراعاة لشغل الناس ولحال الناس والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا رحمة مهداة انظر تخريجه في سلسلة الأحاديث الصحيحة ويقول صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب فضل الرفق من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. On a fini avec le troisième point. Il dit quoi donc ? Il allège, il raccourcit la récitation dans la prière s'il sait que les gens sont occupés ou quelque chose arrive et qu'il ne convient pas à ce moment-là de réciter comme d'habitude. Il allège donc plus qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire et ce, comme on a déjà dit, en prise en considération de la situation des gens et de leur occupation. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je ne suis qu'une miséricorde offerte. » C'est une traduction littérale du hadith. Voir si c'est la hadith sahiha, numéro 490-490. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de la douceur dans une chose sans que ne l'embellisse. Il n'y a pas de douceur enlevée d'une chose sans que cela ne l'enlaidisse. » C'est une traduction encore une fois littérale et c'est rapporté par Muslim, numéro 2594, numéro 2594. Quatrième point, avant-dernier point, incha'Allah. La mas'alatu al-rabi'ah. Min as-sunnati fi al-qira'ati fi as-salah anna al-imama yabda'u bi suratin wa yukmiluha. Amma ma yaf'aluhu ba'd an-nas fi al-qira'ati fi as-salati da'iman bi ba'd as-surah bi ayatin min akhir as-suwar aw ayatin min awsat as-suwar wa yattakhiduna hadha 'adatan lahum wa yukarrirunahu fa inna hadha khilafu as-sunnah. Na'am. إن فعل ذلك أحيانا جاز ولكن أن يداوم عليه أو وأن يكثر منه ونجعله طريقة له فإن هذا خلاف السنة. Donc dans le quatrième point, qu'est-ce que le cheikh dit? Il fait partie de la sunna que l'imam commence une sourate et il la finisse. Tandis que ce que font certains lorsqu'ils lisent toujours une partie de sourate ou les derniers versets d'une sourate ou des versets du milieu d'une sourate et en font une habitude, et répètent cela, ou en font, hein, ça devient leur voix, ça devient leur tariqa, ils font tout le temps ça. Et bien ceci est contraire à la sunna. Puis il va rapporter Une parole dans le Mughni. C'est qui écrit le Mughni? Ibn Qudama, rahimahullah. Il a rapporté dans le Mughni, édition Shamila, volume 1, page 571-571. Il dit quoi? ولا تكره قراءة أواخر السور وأوساطها في إحدى الروايتين نقلها عن أحمد جماعة لأن أبا سعيد قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر وعن أبي هريرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج فنادي في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب أخرجهما أبو داود. Donc dans ce point-là, il rapporte que dans le Mourni, il est rapporté, il n'est pas détesté de réciter la fin des sourates ou leur milieu dans une des deux versions rapportées de la vie de l'imam Ahmed. On va voir qu'il y a deux riwayas de l'imam Ahmed. Vous vous situez un peu toujours dans le courant, ce qu'on est ici ou pas, hein? D'accord. Je sais que j'essaie d'être gentil, surtout avec les frères qui n'ont pas l'habitude de venir au cours, mais je ne t'adresse pas les questions normalement. Hein? Pour un frère qui est un peu plus ancien, je vais peut-être le remballer un peu plus... Hein? Directement, je veux dire que je n'adresse pas les questions. Mais si, par exemple, comme ça, vous ne savez pas où est-ce qu'on est dans le texte, où vous ne vous situez pas, c'est très important de le rappeler. Hein. De dire quoi? Que si on parle toujours de l'arrestation du prophète, hein, après quoi? Après le Fatiha. Donc il parle de quoi, le cheikh, ici maintenant? Tu commences une sourate, tu l'as fini. Est-ce que tu peux lire la fin d'une sourate? Est-ce que tu peux lire certains versets du milieu, etc.? C'est ça qu'il parle ici, le cheikh. Il dit... Donc deux riwayats, si tu es bien, deux riwayats de quoi? De l'imam Ahmed, qu'une jama'a, ils ont rapporté, un groupe ont rapporté l'imam Ahmed. Car Abu Saïd, il a dit, il nous a ordonné de lire l'ouverture du livre, c'est-à-dire la Fatiha, et ce que l'on peut. Et d'après Abu Huraira aussi, radiallahu anhu arda, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, sors et fais savoir si vous voulez à voix haute, Nadi, fil Madina, qu'il n'y a pas de prière sans réciter le Coran, même si ce n'est que le Fatiha. Les deux hadiths sont rapportés par Abu Daoud. Le Cheikh va expliquer maintenant qu'est-ce que ça veut dire. Il dit وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ. On parle toujours d'Ibn Qudama ici. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ زِيَادَتُ وَرُوِيَ عَنِ بِنْ مَسْعُودٍ أَنْهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ آخِرَ آلِ عِمْرَانَ وَآخِرَ الْفُرْقَانَ رَوَاهُ الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ. Donc ici, cher, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ceci indique qu'il n'incombe pas de rajouter. Il a été rapporté d'Ibn Mas'ud qu'il lisait, radiallahu anhu, dans la dernière raka'a du subh, la fin de Ali Imran et la fin de Al-Furqan. Rapporté par Al-Khalal avec sa chaîne de transmission. Et puis il rapporte encore, il dit, وَعَنْ إِبْرَاهِمُ النَّخْعِي قَالَ كَانَ أَصْحَابُنَا يَقْرَأُونَ فِي الْفَرِيدَةِ مِنَ السُّورَةِ بَعْضَهَا ثُمَّ يَرْكَعُ ثم يقوم فيقرأ في سورة أخرى ويقول أبي برزة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح من الستين إلى المئة دليل على أنه لم يكن يقتصر على قراءة سورة. Puis il va rapporter le deuxième avis, deuxième riwaya de l'imam Ahmed, rahimahullah. Il dit quoi ici le cheikh? Il dit, d'après Ibrahim al-Nakhi, il dit, nos compagnons récitaient une partie de la sourate dans la prière obligatoire, puis faisaient l'inclinaison au recours, puis se relevaient évidemment pour la deuxième raka'a et récitaient d'une autre sourate. Et la parole de Abu Barza, selon laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récitait dans un subh de 60 à combien? À 100 versets, est une preuve qu'il ne se limitait pas à lire une sourate. Vous suivez un peu ou pas? Non, je ne suis pas. Faut dire si tu ne suis pas. Je répète ce point-là. Il dit quoi? Il dit, cela indique cette parole d'Abu Barza que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récitait dans le subh 60 à 100 versets. Eh bien, c'est une preuve qu'il ne se limitait pas à lire une sourate. De toute façon, il va récapituler après, Inch'Allah. Le deuxième avis maintenant, si vous voulez, la deuxième version de l'imam Ahmed, rapporté encore une fois dans le Mughni. Il dit, وَالرِّوَاةَ ثَانِيَةَ يكره ذلك. نقل المرودي عن أحمد أنه كان يكره أن يقرأ في صلاة الفرد بآخر السورة وقال سورة أعجب إلي. فقال المرودي كان لأبي عبد الله قرابة يصلي به فكان يقرأ في الثانية من الفجر بآخر السورة فلما أكثر قال أبو عبد الله تقدم أنت فصلي فقلت له هذا يصلي بك منذ كم؟ قال دعنا منه يجيء بآخر السور وكرهه. الشيخ il dit quoi? الشيخ il continue en rapportant cette parole de المغني. Deuxième riwaya, deuxième version de la vie de l'imam Ahmed, que c'est détestable. C'était quoi la première? C'était quoi? Hein? Que c'est la yukra, tout simplement. Que c'est détestable, et c'est rapporté de l'marroudi de l'imam Ahmed qu'il n'aimait pas de lire dans la prière obligatoire la fin des sourates. Et il dit, je préfère toute la sourate. Ou bien si vous voulez, le fait de lire toute la sourate, mais préférable. Al-Marroudi a dit que Abu Abdillah, c'est qui Abu Abdillah? L'imam Ahmed rahimahullah avait un proche qui le guidait dans la prière. Il récitait dans la deuxième raka'a du Fajr la fin d'une sourate. Lorsque ce fut de trop, on va voir qu'est-ce que ça veut dire, je résume qu'est-ce qu'il a compris de la parole de l'imam Ahmed. Lorsque ce fut de trop, comme on l'a dit en arabe, lamma akthara alay. Hein? Lamma akthara. Quand ce fut de trop, Abu Abdillah, qu'est-ce qu'il a dit? Guide-toi la prière. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je lui dis alors, celui-ci te guide dans la prière depuis combien de temps? Ça fait longtemps qu'il te guide dans la prière et tu me demandes à moi de guider la prière. Il dit, laisse-le, da'namin. Il lit la fin de la sourate et il n'aime pas cela. L'imam Ahmed, il n'aime pas cela. Vous voyez l'attachement à la sunnah, l'imam Ahmed, rahimahullah. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce que Cheikh Bazmoul, lui, il a compris plutôt de cette parole de l'imam Ahmed. Il a dit, ولعل أحمد إنما أحب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل عنه وكره المداومة على خلاف ذلك والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة السورة أو بعض السورة من أولها فأعجبه موافقة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعجبه مخالفته. Donc qu'est-ce qu'il dit Cheikh Bazmoul ici? Il explique, il dit peut-être que l'imam Ahmed a préféré le fait de prendre pour exemple le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce qui a été rapporté de lui, il n'a pas aimé de constamment, c'est-à-dire de prendre l'habitude de faire autre que cela. Ce qui a été rapporté, alors c'est quoi maintenant du prophète alayhi salatu wassalam? Eh bien, c'est de lire la sourate ou une partie de la sourate, mais depuis son début. Vous comprenez maintenant? Il a donc aimé de prendre pour exemple et d'être conforme au prophète alayhi salatu wassalam, et il n'a pas aimé de faire quelque chose d'autre contraire à sa voix. On va continuer encore dans ce que par rapport à l'imam Ahmed, il dit. ونقل عنه في الرجل يقرأ من أوسط السور وآخرها فقال أما آخر السور فأرجو وأما أوسطها فلا ولعله ذهب في آخر السورة إلى مروية فيه عن عبد الله وأصحابه ولم ينقل مثل ذلك في أوسطها. Pour les frères qui sont un peu perdu un peu dans les différents aqwal, Cheikh Bazmoul va faire un résumé après, inshallah, pour nous, qu'est-ce qu'on comprend de tout cela. Cheikh, il continue, il dit وَقَدْ نَقَلَ عَنْهُ الْأَثْرَمْ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّجُلُ يَقْرَأُ آخِرَ السُّورَةِ فِي الرَّكْعَةِ فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ رُوِيَ فِي هَذَا رُخْصَةٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدْ وَغَيْرِهِ. Donc Cheikh, il dit quoi? Il a été rapporté à l'imam Ahmed concernant un homme ou l'homme qui récite le milieu d'une sourate et sa fin. Il dit, la fin de sourate, arjou. Je l'espère si vous voulez. Mais le milieu, non. Peut-être qu'il a voulu dire, l'imam Ahmed, en ce qui concerne la fin des sourates, ce qui a été rapporté de Abdullah et ses compagnons. Et ça n'a pas été rapporté concernant le milieu des sourates. Al-Athram, il a rapporté de lui, il dit, je dis à Abu Abdillah, quelqu'un qui récite la fin d'une sourate, encore une fois, Abu Abdillah, l'imam Ahmed, hein? Quelqu'un qui lit, récite la fin d'une sourate dans la raka'a, il dit, N'y a-t-il pas dans ce qui a été rapporté d'Abdurrahman ibn Zayd et d'autres une permission, une rukhsa de faire cela? Cheikh, il continue en disant: أما قراءة بعض السورة من أولها فلا خلاف في أنه غير مكروه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون ثم أخذت سعلة فركع. Il dit quoi, Cheikh, ici? Il rapporte, il dit: tandis que lire une partie de la sourate en commençant par son début, hein, retenez ça, il n'y a aucune divergence sur le fait que ce n'est pas détestable. On parle de quoi ici? De lire une partie de la sourate, mais depuis son début. Pourquoi? Cheikh, il va rapporter le dalil. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a récité sourate le mu'minoun. D'accord? Jusqu'à ce qu'il arrive au passage qui cite Moussa et Haroun, verset 45. Hein? « Thumma arsala Moussa wa akhahu Haroun bi ayatina wa sultanin mubin ila Fir'aouna wa mala'ihi ila akhir l'ayat. » Qu'est-ce qu'il dit ici? Il a lu donc Mu'minoun, jusque ce verset-là où il cite Moussa et Haroun, verset 45. Il a été pris par quoi? Par une toux. Hein? Donc ici, on comprend bien c'est qui a toussé. Hein? C'est le prophète, alayhi salam, et il a fait recours. Donc il s'est arrêté à cet endroit-là. Est-ce qu'il a lu tout sur le mu'minun? Non. Il a lu une partie. Est-ce que cette partie-là, il a commencé de son début? Naam. Vous avez compris maintenant ce que veut dire le shir? Il a lu, alayhi salam, on continue. Sourate l'A'raf. Sourate l'A'raf, elle fait 206 versets, je crois. وقرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب فرقها في ركعتين رواه النسائي. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله. Donc il dit quoi pour terminer cette citation de Ibn Qudama dans le Mughni? Il a lu sourate l'A'raf dans la prière du Maghrib, mais il l'a séparé sur les deux rak'a. Franchement, réfléchissez un peu ici. Vous prenez quoi directement par rapport au hukm? Par rapport à ce que Cheikh vient de dire. Voilà. Il n'a pas terminé la sourate. C'est pour ça que Cheikh cite ça. Donc, sourate l'Arabe, 206 versets. Le prophète Sassam, il a commencé à son début, évidemment. D'accord, hein? Et il l'a, Maghreb, hein? Et il l'a séparé en deux. Et c'est un hadith qui est rapporté par Nasa'i, pour ceux qui veulent voir, Inch'Allah. Et fin de citation, d'accord? Maintenant, Cheikh, il va expliquer un peu tout ça. Il dit quoi? وَمِنَ السُّنَّةِ أَنَ الْإِمَامِ يُفْرِدُ لِكُلِّ سُورَةٍ رَكْعَةً كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِكُلِّ سُورَةٍ رَكْعَةٌ وَكَانَ يَقُولُ أَعْطُ لِكُلِّ سُورَةٍ حَظَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَكَانَ يَبْتَدِئُ بِأَوَّلِ السُّورَةِ وَيُكْمِلُهَا في أغلب أحواله. إذن السنة الغالبة من حال الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكمل سورة في ركعة. أما ما يفعله بعض الأئمة من أن يقرأ بعد آيات من أول السورة فقط ويداوم عليها في أغلب الصلوات فهذا خلاف السنة، وعلى الأئمة أن يتبعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كانوا لا يحفظون السور الطويلة يقرأوا من السور القصيرة ويفرد لكل سورة ركعة كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن قرأ أحيانا بآية من أواخر السور أو من أوسطها وسطها عفوا فجائز لعموم قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن. D'accord. Cheikh Bazmoul, qu'est-ce qu'il dit ici? Il fait partie de la sunna que l'imam lise chaque sourate dans une rak'a. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, pour chaque sourate, une rak'a. Et il disait, donnez à chaque sourate sa part d'inclinaison et de prosternation. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam commençait une sourate et la terminait dans la plupart des cas. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? Dans la plupart des cas. Donc la sunna, dans la plupart des cas, en général, si vous voulez, c'est qu'il terminait la sourate dans une raka'a. Tandis que ce que font certains imams, de lire certains versets du début de la sourate uniquement, et de le faire constamment dans la plupart de ses prières, eh bien, c'est contraire à la sunna. Maintenant, est-ce qu'on peut le faire de temps en temps? Non. D'accord? Il incombe aux imams de prendre en exemple le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et s'il ne mémorise pas les longues sourates, qu'il récite alors les courtes sourates. Et il lise pour chaque raka'a une sourate. Comme le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le faisait, et s'il lise de temps en temps des versets de la fin d'une sourate ou de son milieu, c'est autorisé. Maintenant, vous avez le résumé. D'accord? Le prophète, qu'est-ce qu'il faisait? On va résumer ça entre nous ici, Inch'Allah. On va essayer en tout cas. C'est bien un peu de synthétiser les choses, d'accord? Le prophète, c'est quoi ça la sunna? C'est de lire une sourate complète. On est d'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Lire une sourate complète. Je vois que quelques têtes qui sont d'accord là. Vous êtes d'accord? Hein? Je comprends un peu. Hein? Comment tu vas dire de hé le surah? Tu vas dire toi en flamand. Hein? Je ne vais pas traduire en deux langues, Akhi, à Afwan. Mon flamand, il est tellement. Hein, on est content de l'oublier un peu. On a dit quoi? Donc, le prophète, alayhi salam, il priait dans chaque raka avec une surah complète. D'accord? Maintenant, il y a un hadith, on a vu que quoi? Que le prophète, alayhi salam, il a prié avec le début de surah, le mu'minun, et qu'il n'a pas terminé sur le mu'minun. Pourquoi? Parce qu'il a toussé alayhi salatu salam et s'est arrêté au verset qui concerne Moussa et Haroun, c'est le verset 45, et puis il a fait rukoua. Donc, Cheikh, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit qu'il est autorisé de Il dit, s'il lise de temps en temps des versets de la fin d'une sourate ou de son milieu, c'est autorisé. Et ce, en raison de la généralité du verset dont la traduction du sens est « Récitez donc ce qui vous est possible du Coran » et c'est surat al-Muzammil, verset 20. « Faqra umat yassara mina le Coran » D'accord? Donc c'est quoi la sunna? Lire des sourates qasira, hein, pour ne pas allonger trop pour les gens. Qu'on est en imam, hein? D'accord? Quand tu es tout seul, c'est autre chose. D'accord? Quand on est imam, de lire avec les sourates al-qasira, de la lire entière, d'accord? Et de lire pour chaque raka'a une surah. Maintenant, est-ce qu'il est autorisé de séparer une surah en deux, sur deux raka'a? Ma'am, c'est juste. Ahsan, c'est quoi le dalil? Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a lu surat al-A'raf dans salat al-Maghrib et il l'a prié sur, il l'a séparé sur les deux raka'a. C'est clair jusque là, on est d'accord? Hein? Zori? Je suis pas d'accord avec toi. Parce que la moitié de la surat, c'est pas les derniers versets de la surat. Je donne un exemple. Awakhir as-sura. Awakhir. Aman al-Rasul, par exemple. Tu vois, Aman al-Rasul. Hein? Surat Baqara. Surtout une sourate comme ça, tu peux bien comprendre que le fait de lire la moitié de sourate l'arabe, c'est pas comme le fait de lire les derniers versets. Hein? Regarde, subhanallah, je viens de me rappeler. Furqan. Il a cité le Furqan, il n'a pas cité le Furqan. C'est quoi les derniers versets du Furqan? Hein? Tabaraka. Mais je vois un peu ta question, mais ici on doit expliquer les choses de manière. Il y a un jama' là-dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit que c'est autorisé, attention. Hein. Il a dit c'est autorisé. Voilà qu'in ici, c'est ma compréhension, Allah alam, que le fait de séparer une sourate en deux, c'est pas comme le fait de lire que les derniers versets du. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Hein, vous comprenez. Allah alam, c'est pas la même chose. Hein? T'es d'accord ou pas maintenant? Ah, quelqu'un pourrait dire. Pourquoi laisse-le dire? Beaucoup d'interventions aujourd'hui dans le cours. Non, pas de problème, chef. Donc, Cheikh, il dit, le fait de séparer en deux une sourate sur deux rak'a est autorisé, car le messager d'Allah le faisait parfois sur deux rak'a. S'il récite une sourate dans la première rak'a, puis la répète dans la deuxième, la même sourate, c'est aussi autorisé, car cela a été rapporté de manière authentique du messager d'Allah. Qui sait me donner un exemple? Ouais. Quelle sourate? Hein, Dalil? Un hadith? Non, j'ai entendu quelque chose. Non, c'est juste ce qu'il dit, mais j'ai entendu quelque chose de ce côté-là, quelque chose qui. Directement. À l'école, il était toujours. Hein? C'est pas moi, c'est lui. Et c'est autorisé car cela a été rapporté de manière authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il l'a fait parfois, très peu de fois. Regardez ce qu'il dit en arabe le cheikh ici. Il dit وَإِنْ قَسَمَ السُّورَةَ بَيْنَ رَكْعَتَيْنِ جَازِ إِذْ كَانَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَسِّمُ السُّورَةَ أَحْيَانًا بَيْنَ رَكْعَتَيْنِ parfois. وَإِنْ قَرَأَ السُّورَةَ فِي رَكْعَةِ الْأُولَى ثُمَّ أَعَادَهَا نَفْسَهَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ جَازَ لِثُبُوتِ ذَلِكَ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ أَحْيَانًا وَمَرَّاتٍ قَلِيلَةً جِدًّا أو قليلة جدا لا على الدوام فهذه السنة فإذا خالف الإنسان هذا ودوم عليه على المخالفة نقول إنه خالف السنة وقد نحكم بأنها بدعة إضافية وإن قرأ الإمام أحيانا سورة أو أكثر من ركعة الواحدة في الركعة الواحدة جاز لثبوت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. Voilà, en résumé, c'est encore une fois ici. Si donc quelqu'un le fait constamment, eh bien, il déroge à la sunna. On dit qu'il a dérogé à la sunna. Il se peut que l'on dise même que c'est une bid'a idafiyya. Et si l'imam récite parfois deux sourates ou plus dans une seule rak'a, eh bien, cela est autorisé, car cela a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en résumé encore une fois, qu'est-ce qu'on a compris? Sunna, c'est de lire une sourate par rak'a, de la commencer et de la finir. Question. C'est autorisé de commencer une sourate du début et de ne pas la finir? Naam, dalil, surat, mu'minun, dans salat, hein? Il n'a pas dit. Et il s'est arrêté quand, hein, il a parlé de Moussa et Haroun, parce qu'il a toussé, c'est le verset 45. Est-ce qu'il est autorisé de séparer une surat sur deux rak'at? Naam, dalil, surat, prophète Sarsim, après que surat al-A'raf, il a divisé en deux. Est-ce qu'il est autorisé de prier avec le milieu et la fin des sourates? Naam. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il le faisait tout le temps? Maintenant, c'était quoi le dernier cas qu'on a vu? Répéter, c'est autorisé? Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Est-ce qu'on fait mudawama ala dalik, on fait tout le temps? Non, il l'a fait très peu. D'accord? Et si quelqu'un le fait souvent, ça devient quoi? Mukhalafat sunnah. Et on peut même dire que c'est une bid'a idafiyya. D'accord? Maintenant, dernier cas qu'on vient de voir, s'il récite une sourate, deux sourates ou plus, dans une même rak'a, autorisé ou pas? Naam, car cela a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cinquième point, il est très très très court, et on finit là-dessus, inshallah. المسألة الخامسة يجوز أن يقرأ الإنسان سورة الإخلاص قل هو الله أحد ثم يقرأ بعدها سورة لما ثبت أن بعض الصحابة كان يفعل هذا وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc cinquième et dernier point qu'on tire de ce chapitre sous le titre sa récitation عليه الصلاة والسلام après سورة الفاتحة, il est autorisé de lire سورة الإخلاص puis de lire une autre sourate, et ce en raison du fait qu'il a été rapporté que certains compagnons l'ont fait et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était d'accord. Vas-y, Allah. Je me réserve le droit de ne pas répondre. Vas-y. Dans les deux, hein? Ah ouais. Ah ouais. Que ce soit bien clair. Je répète le hadith en arabe? On répète le hadith. C'est de là qu'ils ont pris les ulama. Les chiouks, ils posent cette question là. Donne-moi un délit de la sunna sur le mont Sifa. Je répète, regarde. وكان لما افتتح سورة وقد كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بي قله الله أحد حتى يفرغ منها ثم غيرت يقرأ سورة أخرى معها. Tu vois? Si tu veux, première raka'a, hein, il lit quoi? Fatiha, évidemment. Deuxième sourate, Al-Ikhlas. Puis il lit autre chose. On parlera ça dans les prochains cours, Inch'Allah. Parce qu'on va parler de tertib dans. C'est pas grave. Et deuxième raka'a maintenant, il lit quoi encore une fois? Al-Fatiha, il est obligé, c'est un rukn. D'accord? Et puis, encore une fois, l'ikhlas. Et puis, autre chose. Ouais. D'accord? On parle évidemment des rak'avot ici. Hein? D'accord? Le sahaba s'est déroulé, il l'a entendu. Non. Et qu'est-ce que le professeur Hassan, quand il est venu, il lui a demandé pourquoi? Regardez fiqh al-hadith. Il a dit, un yuhibbuha. Le prophète a dit, je l'aime. Et le prophète a dit, ton amour pour cette sourate-là va te faire rentrer au paradis. Est-ce que ce n'est pas un taqrir, une sourate taqririya, ça? Est-ce que le prophète a dit, il ne l'a pas accepté, si tu veux, ou il ne l'a pas même, comment on va dire ça en français, hein? Cautionné. C'est un bon mot, ça, machallah. Cautionné. Hein? Cautionné sur ce qu'il a fait. C'est vrai, c'est ça. Il a dit, il l'a aqarrahu. Sinon, si ce n'était pas autorisé, qu'est-ce qu'il aurait fait le prophète, à son salam? Hein? Ben, il l'aurait, hein? Ouais, non. D'accord. Après ce cours d'aujourd'hui avec beaucoup d'interventions, hein, de nos chers frères, hein, on va clôturer. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Et pour les frères qui veulent sur le Audric Atruk, on peut lire ça ensemble, ou je vous ai donné la référence, inshallah. Hein? Innama ana naqilun.